casei-me com ela, estavam de mini saia. Lindas e morenas, mulheres atraentes, piscaram o olho, estavam sorridentes. Ali parei, ali corei, que sensação, mulheres haviam, mas percebi, só queriam de mim, apenas uma informação. Avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Bonjour tous, voici donc il est 13h passé de 30 minutes. Bienvenue à vous toutes si vous prenez l'écoute et nous sommes ensemble pendant jusqu'à 17h pour l'émission Music Dance comme tous les mardis. Voilà, juste un instant, on a pu débuter l'émission avec un morceau portugais avec Luis Manuel qui sera présent tout simplement pour la fête tout simplement le dimanche de juillet au parc de Livrol. À Fleury-les-Aubrais. Mais il n'y aura pas que lui, il y aura d'autres chanteurs et puis d'autres événements, tout simplement, donc à ne pas oublier. Voilà donc, j'ai de passer ma première vie à ma compagnie. On débute donc, on continue bien sûr les chansons. Et voici France Gall avec Déclaration d'amour. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Et puis juste après, on écoutera tout simplement Boule de Flipper avec Corinne Charby. Ma déclaration. Quand je suis

Voici, il s'appelle tout simplement Gérard Blanc avec une autre histoire et puis suivi de Laurent Voulzy. Quelque chose, et ça me fait avancer.

Continue bien sûr avec les chansons et voici Gage Patti avec Etienne et puis je suis du Break Machine. Arc-en-ciel. Voici donc Jimmy Somerville, comment te dire adieu, et suivi de Indip. Oh,

summertime love. Boys, boys, boys. Little summertime roll, little summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, little summertime love. Boys, boys, boys. Little summertime roll, little summertime roll. I'm Voici Brice Sébastien avec C'est fou et juste après New York City. We'll be right back. Sam Dick Morton, exotique en érotique. C'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voici donc qui s'appelle tout simplement Coquille d'Or avec Femme Libérée. Facile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile.

Paris. Tu es la plus belle des cariocas. Maria, tourne pas tes yeux vers le Corcovado. Le plaisir que l'on a ne nous vient pas d'en haut. L'amour tu me rassures, c'est sera mort, 3 nuits de bonheur par an. Mais c'est pas le temps. The music just turns me on. Salsa latine et puis juste après en duo Jermaine Jackson et Pierre Zadora.

Musique Danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne... Voici donc en duo, voici Mondial Talking, Yamart, Mansoul et puis juste après l'affaire Louis Trio. Et bien sur cette chanson, un petit coucou à Véro, je sais qu'elle aime beaucoup cette chanson. Voici donc Monard Tolkien. Fire burn hard. In my heart there's desire for a star. I'm dying in emotion. It's my world in fantasy. I'm living in my dream. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. Close the door and believe my burning heart. Feeling alright, come on, open up your heart. I'll keep this candle burning. Let your body melt in mine. Living in my dreams. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. Sur les toits. Voici donc les musclés. Vive le village. Monsieur le maire a décidé qu'il fallait s'amuser. Par arrêté municipal, il a ouvert le bal. On a débarrassé toute la place du marché. Quand la nuit est tombée, tout le monde s'est mis à danser. Nous avait préparé des pilules pour nous remonter. On les a avalées, ça nous a fait l'effet. Minuit était passé, on continuait à danser. On s'est pas fait prier, ça nous a tellement plu que Monsieur le maire sera réélu. Voici donc Karen Cheryl avec Si. Et puis juste après, Petit avec Michel Sardou. Les enfants, si, il aime le silence et le vent. Si, il pense un peu comme je pense, c'est gagné. Je vous dis bien, si il aime la musique qui rend.

après le morceau portugais, voici donc la vie en couleur. Avec ses lumières et ses cavalières, sur tous les manèges enchantés. Les ours en peluche et les pamplemousses, pour toi je les gagnerai. Salut, je devine que les carabines te font peur, je suis désolé. C'est la vie en couleur, tiens voilà le marchand de ballons. Je suis là pour te protéger. Les marchands de nougat et de papa papa seront bien te consoler. Nous reviendrons dormir loin du bruit et des rires, mais tu ne voudras pas rentrer. C'est la vie en couleur, tiens voilà le marchand de ballons. C'est les cris et les fleurs, les manèges tombent à l'unisson. C'est la vie en couleur, il faut sortir et en profiter. Dépêchez-vous d'aller faire tout. Voici donc Kamanel avec Frédéric, plutôt François, oui ça, François Valéry. Et puis juste après, Georges Moustaki avec Maillard. Certains soirs où l'on n'est pas bien dans sa peau, on va se chauffer au laser d'une disco. On va s'étourdir à coups de décibels. On va se glisser dans la ronde des belles. Assis devant mon whisky, moi j'ai dû deviner qui. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle. Emmanuel devant mes yeux, la vraie merveille. Emmanuel du bout du monde, Emmanuel sorcière et blonde. Emmanuel aux grands yeux verts,

Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. C'est aussi ça? Thank you. Voilà, après l'accordéon, voici donc Céline Dion avec Ziggy, et puis juste après, Frédéric François. Quand je m'endors contre ton corps, alors je... Le titre, L'amour existe encore. L'amour existe encore. Je t'aime à chaque fois qu'il va.

o zona centro também do país, ou seja, eu acho que isto é um bocadinho transversal. Às vezes Lisboa e Porto já têm uma carga tão grande que eles acabam por dispersar até por outros locais, mas é um bocadinho transversal. As contas estão feitas. Ronda em números redondos e em média à volta dos 30% de mais pessoas na rua. Mais 30% em comparação com o que acontecia há um ano, e os pedidos não surgem apenas por parte de quem não tem teto. Tem estado a aparecer muitas famílias que são vulneráveis e com esta questão do último ano derivado da guerra e do aumento do custo de vida, procuram uma solução neste sentido para